Françaises, Français, mes chers compatriotes, faisons preuve, au fond, d'esprit solidaire et de sens des responsabilités. Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Après avoir consulté, écouté les experts, le terrain et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Nous sommes en guerre, en guerre, en guerre, en guerre, en guerre. Vive la République, vive la France. Salut, c'est Jacal en direct de la maison. Bah oui, comme on ne peut pas sortir pour raison de confinement, c'est donc de chez moi que je vous propose ce petit podcast. 2 heures d'émission, tout simplement, comme si on était en direct. Quitte à être confiné, autant écouter de la musique. Alors c'est parti pour 2 heures de pur son 70. Et comme toutes les émissions, depuis début mars, c'est Supertramp qui part en pole position avec Child of Vision, extrait de leur album Breakfast in America, sorti en 1978. Un album qui parle essentiellement du rêve américain. D'ailleurs, Gene Simmons, le bassiste de Kiss, disait « Je fais partie d'un groupe bizarre. Nous avons très bien réussi. Le rêve américain est bel et bien réel. » Rolling. Et on accélère le rythme avec Aerosmith, Train Kept Rolling, extrait de l'album Get Your Wings, c'était en 1974, suivi, vous l'avez reconnu, de Dire Straits avec Lady Writer de l'album Communiqué en 1978. The song. Light a sable dome scattered with diamonds, fuse my dust from a light year. Squeeze me to her breasts only with carbon, strung my warp across time. Gave me each a horse, sunrise and graveyard, told me only I was her. Bid me face the east, close me in questions, built the sky for my dawn. Collapsed and lions sharpened their teeth. Gloves raced round the ring, stallions stampeded, pandemonium seesaw. I ran for the door, ringmaster shouted, all the fun of the circus. We'll be right back. White Snake avec Common, extrait de l'album Snakebite 1978, suivi de Kim Crimson avec Circus sur l'album Lizard 1970. Il est l'heure à présent d'aller voir ce qui se faisait chez les petits Français avec la French Touch. Alors j'ai sélectionné ce soir deux groupes, Factory avec un titre qui s'appelle Cache ta joie, suivi de Zoo et leur titre Four Strings. Allez, on s'écoute ça maintenant. Et tout de suite. We'll be right back.

Allez, toujours plus loin, toujours plus haut avec AC/DC et Jailbreak, suivi de Gordy avec Natural Born Loser, avec Monsieur Brian Johnson au chant. Spécialistes ont reconnu Iron Maiden avec le titre Prowler, extrait de l'EP The Soundhouse Tape, sorti en 1979 avec Paul Di'Anno au chant. Et juste avant, c'était Samson avec It's Not Easy As It Seems, tiré de l'album Survivor en 1979 avec au chant Monsieur Bruce Dickinson qui remplacera Paul Di'Anno au chant dans Iron Maiden. Allez, maintenant on va passer à un autre grand monsieur du rock and roll. Il s'agit de monsieur Ronnie James Dio avec son premier groupe Elf et le titre Gambler Gambler sur son album de 1972 Elf. We'll be right back. Allez, il est déjà temps de refermer la page de cette émission numéro 8 avec Supertramp et un extrait de leur premier album sorti en 1970 qui s'appelait tout simplement Supertramp. La chanson s'appelle Nothing to Show. C'est parti, on se retrouve juste après pour Spécial Irlande. Allez, à tout de suite les amis. Thank you. 17 mars, nous fêtions les Patricks. La Saint-Patrick est une fête chrétienne déjà célébrée par les Irlandais au 9e et au 10e siècle. Par tradition, elle est associée à l'Irlande, mais l'Irlande ne possède pas de fête nationale comme nous, nous possédons par exemple le 14 juillet. Cette fête est surtout perçue comme la célébration de ce qui fait l'Irlande. Le verre, le trèfle, la musique et surtout la bière. D'ailleurs, Saint-Patrick est devenu une sorte de culte irlandais de la bière dans l'imaginaire collectif. Alors que Saint-Patrick, évangélisateur de l'Irlande, aurait expliqué aux Irlandais lors d'un sermon au roc de Cashel grâce à un trèfle en faisant ainsi le symbole de l'Irlande, l'emblème du pays étant la harpe celtique. Je vous propose un petit voyage musical au sein de cette Irlande des années 70. Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two and nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smothered enough to reap the corn and leaf where I was born. Got a stout black sword, a banished ghost and goblets, a brand new pair of brogues to rot the love of the bogs and fighting all the dogs on the rocky roads. A double of 1, 2, 3, 4, 5, up to here and turning down the rocky road, all the ways to double and make for Lollygah. In Mullingar that night I rested them so weary, started by daylight, next morning light and dairy, took a drop of the pure to keep me heart and shrink, and that's the paddy's cure when there is up for drinking. They hear the lassie smile, laughing all the while, at me curious style to touch a heart above him. They asked me was I hired and wages I required till I was almost tired of the rocky road, to double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt to hair and turn them down the rocky road, and all the way to double and make for Lollygah. In double and next arrived, I thought it such a pity to be so soon deprived of you of Dunfin City. Then I took a stroll all among the quality, bundle it was stolen in the locality. Something crossed me mind when I looked behind, no bundle could I find upon me stick a warren acquiring after the rogue said me cunnest brogue. It wasn't much in vogue on the rocky road, to double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt the hare and turn them down the rocky road, and all the ways to double and make for Lollygah. From there I got away, me spirits never failing, landed on the quay just as the ship was sailing. Captain at me road, said not no room hardy, when I jumped aboard a cab and flew for paddy, down among the pigs, did some hearty rigs and paid some hearty jigs, the water round me bubbling when I fully had, I wished myself was dead or better far instead. On the rocky road, to double and 1, 2, 3, 4, 5, up to here and turn her down the rocky road, and all the ways to double and make for Lollygah. The boys of Liverpool, when we safely landed, called myself the fool, I could no longer stand it, blood began to boil, temper I was new as impure, all there and Zyle. They began abusing her army, so well says I'm a shillelagh, I let fly, Galway boys were by, and so I was a howling will below a hooray, the giant and the affray, quickly clear the way, for the rocky road, to double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt the hare and turn her down the rocky road, and all the ways to double and make for Lollygah. Une voix que je ne supporte pas. Désolé, quand je suis nerveux, j'ai effectivement les cordes vocales ta qui gueule. Sont en ordre. En fait, il n'y a pas que ta voix qui me crispe, il y a ta tête aussi. Bah, quand je suis nerveux, j'ai effectivement un peu les traits du visage qui sont en ordre. Ta gueule. I'm almost losing my mind, trying to shake off this crazy woman of mine. Shake off this crazy woman of mine. I put on the new slide. I'm trying to shake off this crazy woman of mine. Dubliners, The Rocky Road to Dublin pour ouvrir cette session irlandaise. Et Skid Row, Mad Dog Woman, extrait de l'album Skid Row 1970. Et maintenant, The Radiator Fence Press, Rock Sea Girl, le TV Tube Art, album 1977. Je te préviens, c'est un 38. Je tire, puis tape une tête. Yeah. peut pas parler d'Irlande sans parler de U2. Voilà, c'était Story for a Boy, extrait de leur album, enfin plutôt de leur EP Tree, sorti en 1979. Allez, on enchaîne avec les No Sweet et You Should Be Happy, 1978. J'ai une tête à écouter Berlioz. X-Dreamix, Dance Away Lover, 1978. Allez, on enchaîne tout de suite avec les Rudy Number One. I wanna see you realize, I wanna see you. Telling a dirty joke or two. In walked this chick and I knew she was up for something. And I kissed her right there out of the blue. I said, hey baby, meet me, I'm a tough guy. Got my sickle outside, you wanna try? She just looked at me and rolled them big eyes and said, oh, I'd do anything for you, cause you're a rocker. That's right, I'm a rocker. En Irlande, Phil Lynott et son groupe Phil Lizzy avec The Rocker, extrait de Vagabonds of Western World 1973. On va enchaîner avec Gary Moore et Back on the Street en 1978 et Rory Gallagher avec Admit It, extrait de l'album Tattoo en 1973. We'll be right back.

On continue notre petite balade irlandaise avec les Moral Support, avec le titre Sin en 1979, qu'on va enchaîner avec les Detonators Cruisin' en 1978. I wanna hate it. don't really care, cause I'm thinking only of you. Cruising along in the desert, radio on my mind. I sit and I think while I'm drinking my drink, see the things that I might find. I'm cruising down the highway. I'm cruising down the highway. We're cruising down the highway. We're cruising. On continue d'envoyer le pâté avec la musique irlandaise des 70s. Place maintenant aux Boomtown Rats avec Mary of the Fourth Form en 1977 et à Bernie Tomé et All Night en 1979. The head. reconnaître. C'est du brutal. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Waouh, c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est du brutal. Allez, maintenant, on va passer tout de suite à Cobré et The Graveyard Boogie en 1978. Hunted now. night and so do you. You come back much plumper and fatter. It really is a very great matter. You'll see your shadow curving and fading, and you return a coffin that's C'est bientôt terminé, on va retourner faire un petit tour aux côtés du folklore irlandais et de la musique traditionnelle. As I was going over the far-famed Kerry Mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced my pistol and I then produced my rapier. Saint stand and deliver, for you are a bold deceiver. Mushering da ma doo da ma da. And it made a pretty penny. I put it in me pocket and I took it home to Jenny. She sighed and she swore that she never would deceive me. But the devil take the women, for they never can be easy. My sure ring da ma doo da ma da. Quack call the daddy o, quack call the daddy o, there's a ski in the jar. I went unto my chamber all for to take a slumber. I drank of golden jewels and for sure it was no wonder. But Jenny drew me charges and she filled them up with water. Then sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. My sure ring da ma doo da ma da. Quack call the daddy o, quack call the daddy o, there's a ski in the jar. And 'twas early in the morning just before I rose to travel. Up comes a band of footmen, and likewise Captain Farrell. I first produced my pistol, for she'd stolen away my rapier. I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. A shirring da ma doo da ma da. Quack call the daddy-o, quack call the daddy-o, there's a ski in the jar. And if anyone can aid me, 'tis my brother in the army. If I can find the station in Cork or in Killarney, and if he'll go with me, we'll go roaming in Kilkenny. And I'm sure he'll treat me better than my own, my sporting Jenny. My shirring da ma doo da ma da. Quack call the daddy-o, quack call the daddy-o, there's a ski in the jar. And my shirring da ma doo da ma da. Quack call the daddy-o, quack call the daddy-o, there's a ski in the jar. Factory wall, dirty dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs again from the streets at night. Deux petites choses qu'on ne présente plus, Whiskey in the Jar, interprété par The Dubliners, et Dirty Old Town, interprété par Luke Kelly, le chanteur décédé justement des Dubliners. On va enchaîner pour terminer cette session avec un groupe un tout petit peu plus actuel, et oui, il faut bien passer aussi aux choses actuelles, The Ramjack avec An Irish Pop Song. Le temps pour moi de vous dire au revoir et à bientôt, certainement la semaine prochaine, toujours sous forme de podcast, parce qu'on ne pourra toujours pas accéder aux locaux de la radio. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une belle nuit, une bonne semaine, un bon confinement, et à bientôt, surtout, restez chez vous. To go in the wall of hurling, sticking a shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pub. Caffrey's hard, Kilkenny, your pub, the Guinness, pudding, the cabbage, crap, the eye, don't wanna be paddy trapped. We'll call it an Irish pub. While I'll be fucked to swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked to laugh and burst your filthy mug if you draw one more shamrock in me beer. The drinks and pay the cost, we got us an Irish pub. The quick run in the filthy bug, the patent grass across the lug of the lady, oh, the dirty dog, we got us an Irish pub. It's over to me, hello over to you. We'll skip along the avenue, and who the hell is running through? We got us an Irish pub. Well, I'll be fucked, I swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked, I'll laugh and burst your filthy mug if you drop one more shamrock in me beer. We'll call it an Irish pub. Plastic cups are polished for all. We'll hold the blood right out the door. I let the knuckles back for more. We've got us an Irish pub. While I'll be fucked, I swear upon the holy boot. The only crack you'll get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked. I'll love to burst your filthy mug. If you draw one more shot, I'll give me beer. Gary on, kiss me, I'm Irish. Molly Malone, a bunch of slant, a punk, my homie God is an Irish pub. Spike the punches, trick the willows, strike me up the rakes, and Malone, a lift, he never runs so shallow, we God is an Irish pub. Well, I'll be fucked, you swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked, you'll love the first, you filthy mug, if you draw one more shot, I'll keep me.